On dit bonjour. Salut, salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, donc on a fêté en grande pompe les 10 ans de Radio Stoub dans un épisode précédent. Et donc maintenant, on va parler de l'actualité du Racing dans une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus réfléchie. Avec Oudin, Strotim, Calcio 90 et Hathor, et puis moi-même Rachmaninov. Alors on va commencer tout de suite par parler rapidement des matchs intéressants qui ont eu lieu depuis la dernière émission. Et notamment Racing Rennes. Et alors notamment, ça commence par Rennes Racing, avec une jolie victoire du Racing. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, Hathor? Rennes qui s'est un peu sabordé, les joueurs voulaient licencier Sabri Lamouchi. C'est confirmé ça c'est, ou c'est, moi j'ai l'impression c'est un peu le à chaque fois qu'il y a un coach qui se fait virer, on dit ah les joueurs ils ont joué contre lui. Là où on peut le voir, c'est la différence entre avant le licenciement, donc la perte à domicile 4-1 contre Racing franchement. Et la série de victoires derrière. Donc il y a 4 victoires derrière 3-4 victoires. Enfin, ils ont gagné à Lyon derrière. Donc c'est... Ouais, ils ont gagné à Lyon derrière, ouais. Après, là où ça s'est vu aussi, c'était pour avoir été au stade, c'était en deuxième mi-temps. Où de Rennes, tu peux t'attendre, en étant mené, tu peux t'attendre à une rébellion. Et c'était d'une tristitude sans nom. Surtout ouais, que c'est un match où Rennes ouvre le score. Ouais, Rennes ouvre le score d'un super but. Ils peuvent pas dire que les choses sont mal emboîtées, qu'il n'y a eu pas de chance, et ils commencent le match. Enfin, Strasbourg vient pour faire nul et se retrouve mené. Donc, tu dis, c'est bon, c'est bon, on en prend 3. Et, voilà. Et finalement, il se passe pas grand chose côté Rennes. Non, il se passe rien. Strasbourg en fait domine avec le pénalty notamment, ça vient. En fait, on sort du. Moi, j'y vais aussi un peu en victime expiatoire en disant on sort du match contre Nîmes, on va à Rennes, derrière on joue Paris. Je dis oulala, ça va être une mauvaise série. On va être relégable. C'est vrai que le mois de décembre, on le sentait assez on mal. On le sentait très très mal. Et le début du match contre Rennes confirme un peu ça en se prenant le but avec quelques largesses défensives de la part du Racing. Bon, un but assez peu extraordinaire quand même. Un bel enroulé, ouais. Et derrière, après, le Racing, finalement, met la machine en marche. Martin, Thomasson au milieu, qui vraiment... Thomasson qui monte en puissance. Lala qui... après, sur le but, Lala qui déborde. Et voilà, après, la VAR qui... Le pénalty sur Martinez. Pénalty sur Martinez, exactement. Et puis derrière, on maîtrise notre truc. Et puis, on met 4 buts à l'extérieur. Donc, ce n'était plus arrivé depuis... Depuis Racing Bordeaux, le 4-4, ouais, 97-98. Ah ouais. Et on se fait pas peur. Mais on fait un vraiment match aussi. C'est-à-dire que le Racing concède finalement peu d'occasions. Alors après Rennes, en deuxième mi-temps, effectivement, a marché un peu, mais je pense que le scénario est catastrophe pour eux. Ils ouvrent le score, ils en prennent 2 derrière. Au retour des vestiaires, ils en prennent 1 tout de suite. Donc je pense que c'est aussi compliqué pour eux, mais bon. Le Racing, finalement, comme dans beaucoup de ses matchs, je trouve qu'on a concédé très très peu d'occasions. Voilà, donc une belle prestation du Racing, un petit peu inespérée, on ne s'y attendait pas trop. Et du coup, suite à ce match, Paris. On enchaîne sur Paris le mercredi. 3 jours après. Donc un mercredi 21h. Alors, Paris qui se présente avec une équipe remaniée. Avec, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais quand même, il y a Di Maria et Neymar qui sont à la maison. Ouais, mais ça reste du lourd. Oui, il y a Mbappé sur le banc. Oui, et Cavani quand même, il y a Draxler. Non, après, Alors, je veux dire, un peu remanié, c'est qu'il y a titulaire. La défense est remaniée, par contre. Il y a Nsoki qui est titulaire. Oui. Il y a Choupo-Moting. Diaby et Choupo-Moting sont titulaires. Il y a Kipembe, il y a Kerrer. Oui, après, ça reste. Voilà. Mais le Racing fait aussi tourner. Au milieu, il y a Fofana. Oui, oui. Motiba ne joue pas. Il y a Zoé titulaire. Justement. Est-ce que Loré s'est pas dit ce match-là, je fais une croix dessus et je fais un peu souffler l'un ou l'autre cadre et puis. Je crois qu'il l'a même pas caché, il a tout de suite, il a dit qu'il préparait Caen, enfin il prépare les deux matchs ensemble, Paris et Caen, et il a dit voilà je fais plutôt, tant qu'à perdre autant mettre les jeunes, ça en fait d'expérience. Et on met le paquet sur le match de Caen. Donc finalement, c'est deux équipes un petit peu remaniées qui s'affrontent. Bon, reste que c'est quand même, je trouve que c'était quand même un des meilleurs moments pour prendre Paris. Oui. Bon, oui. Là, de ce côté-là, on a un petit peu de réussite. Avant le match de Belgrade. Donc là, quand même, on les prend plutôt au bon moment. Mais par contre, je trouve vraiment qu'il y a une prestation qui est très aboutie du Racing. Moi, je trouve meilleure que lors de la victoire l'an dernier qui était complètement inespéré. Là, je suis assez d'accord avec toi, notamment au milieu, avec une agressivité certaine. C'est-à-dire que vraiment, là, les Verratti, les Draxler, etc., on ne les a pas regardés. Donc, c'était un peu méchant hein, par moment, on ne va pas se cacher. Visiblement, il y a eu un peu des insultes qui ont volé. Les Strass ont dit c'est pas nous, mais bon, c'est peut-être un peu nous quand même. Hein, Mais au moins, on ne les a pas regardés, on s'est imposés. Ça fait plaisir de voir que le Racing se met au niveau de ce genre d'enjeu. Et finalement, quelque part, ça a payé parce que Draxler passe pas loin de l'expulsion sur ce match. Oui. C'est vrai. Verratti aussi. Verratti aussi. Lienard et Martin aussi, soyons francs. Mais il y avait ce côté, genre, on se fait respecter. Quoi. Et ça, vraiment, pour le fan de... J'ai trouvé ce match effectivement plus intense que le 2-1 l'an dernier, qui est resté mythique, mais qui relevait effectivement d'un concours de circonstances. Là, quelque part, le match nul était mérité. Il est mérité en deuxième mi-temps, on serre quand même les fesses. Oui, en direct en recul. Donc, bon, après, quand Mbappé rentre. Oui, mais après, quand même, je trouve qu'on ressortait mieux le ballon que l'an dernier. On faisait mieux. Quand on avait le ballon dans les pieds, on ne le dégageait pas dans les tribunes. Mais c'est une constante. Hein, depuis le début de saison. Mais c'est parce qu'on a une équipe qui est un peu meilleure techniquement que l'an dernier. Il y a peut-être des schémas de sortie de balle qui sont mieux travaillés aussi. Et du coup, c'est vrai que. Et en fin de match, il y a eu 2-3 occasions assez chaudes pour Strasbourg. Bah, le but de Thomasson qui est refusé. Oui. Et là, et ça frappe aussi peu de temps avant. Oui. Donc en contre, on a vraiment été dangereux. Alors que j'ai l'impression dans mes souvenirs qu'un an avant, vraiment, on a deux demi-occasions. On les met au fond et voilà, ça fait la victoire. C'est surtout qu'avant avant l'entrée d'Mbappé en deuxième mi-temps, Paris n'a aucune occasion quasiment. C'est vrai que la première mi-temps du Racing est vraiment aboutie, moi je trouve. Oui. En deuxième mi-temps, bah, forcément on mène 1-0, forcément c'est Paris en face, donc le rythme et l'intensité sont autres qu'une équipe lambda du championnat. Mais je trouve vraiment que le Racing fait un super match. Et puis effectivement, à la fin, il y a ce but refusé pour un hors-jeu qui est valable, hein, effectivement, mais très très peu. Il faut saluer le. Non, mais il est hors jeu. L'arbitre assistant a un sacré coup d'œil. Les arbitres ont toujours raison. L'assistant. Voilà, c'est pas la VAR. Hein. Là, c'est lui en direct. Il est à c'est lui en direct, c'est vrai. Et là, c'est vrai que pas grand monde l'a vu dans le stade. Hein. Il y a eu. Enfin, pas grand monde ne voulait le voir. Hein. Non, Non, voilà, parce que. Voilà, là, il y a vraiment de. Tout le monde s'est fait avoir, j'ai l'impression. Après, oui, mais c'était tellement le beau scénario. C'était quoi. Magnifique. C'était match à la 90e et tout le monde a envie d'y croire. Quoi. Je veux dire, avec nouveau quoi, 6 minutes d'arrêt de jeu, c'est ça 5. Mais comme dirait Hathor, l'arbitre a toujours été. Exactement. Tout à fait. Peut-être ce principe et vous verrez mieux le foot. Mais la comparaison avec le match de Paris de l'an dernier est assez intéressante. C'est vrai que même si on a 2 points de moins par rapport à la victoire de l'an dernier, la maîtrise est quand même largement... L'argent plus visible cette année que l'an dernier. L'an dernier, c'est vraiment un coup de chance de gagner contre le PSG. Là, on était presque à niveau, au moins en première mi-temps, on les regardait dans les yeux. Alors que voilà, l'an dernier, c'est un match de Coupe de France. Oui, c'est vrai. Oui. L'alignement des planètes. Mais c'est-à-dire que l'an prochain, on est au-dessus de Paris et on finit champion de France. Donc, alors, suite à ce match, bien. Il y a quand qu'on a préparé du confiance. Qu'on a préparé, on met les titulaires, on va les péter sans problème. Et qui pour moi est la vraie déception de ce mois de décembre. Et là, ça se passe pas bien. On marque très tôt, peut-être trop tôt hein, finalement. tout est trop beau avec le Racing et puis on prend un but un peu. On va pas venir venu d'ailleurs parce qu'il est pas magnifique non plus, mais on joue pas vraiment. Le contenu est pas bon, mais c'est vrai que quand on s'en sort très bien parce que. Il marque sur 2 frappes pendant la surface, sur des mauvais renvois. Ouais. Et c'est des frappes à chaque fois. Il n'y a pas but hein, avant qu'il tire. Notamment le deuxième but, le mec, il le tire 10 fois. Je pense qu'il le fout 9 fois dans les tribunes. Mais voilà. C'est une fausse excuse parce qu'en deuxième mi-temps, on s'est un peu endormi nous. Le contenu n'est pas bon. Parce qu'effectivement, tu marques ce premier but, bon, c'est une chose. Tu t'encaisses l'égalisation sur un coup qu'on pourra dire du sort. Tu reprends l'avantage sur le super but de Martinez. Et en fait, à ce moment-là, il faut enfoncer le clou, il faut prendre les 2 buts d'écart. C'est vraiment le lieu commun total du multiplex. Et on avait la chance de le faire en fin de première mi-temps, et on avait surtout la chance de le faire en début de deuxième mi-temps. Et moi, j'ai un souvenir de ce match où, genre, je regarde l'horloge, c'est la 47e. Et j'ai l'impression que quelques instants plus tard, je regarde l'horloge, c'est la 60e. Et en fait, entre-temps, on n'avait rien fait. Il s'est rien passé. Ça a ronronné. Vas-y, qu'on fait des passes et tout. Et il n'y avait pas cette espèce d'urgence de « il faut qu'on plante le troisième pour avoir deux buts d'écart ». Et donc, évidemment, tu finis par te faire punir parce que quand même, le Racing reste le Racing. Et effectivement, c'est frustrant parce que quand c'est totalement le genre d'équipe qu'on doit pouvoir broyer si on veut espérer se maintenir tranquillement, mais on n'y arrive pas. Et donc, au final, on fait deux points contre Paris et Caen, ce qui fait une séquence assez décevante, malgré la débauche d'énergie contre Paris et les deux beaux buts contre Caen. En termes comptables, il aurait mieux fallu prendre 5-0 contre Paris. Exactement. Et puis gagner 2-1 contre Caen, quoi. Mais bon. Alors moi, j'ai une anecdote à forte valeur ajoutée. C'est que après le match de Caen, qui était dimanche après-midi, en fin d'après-midi, j'ai croisé Stéphane Mitrovic à l'épicerie qui venait acheter des packs d'eau. Et du coup, je... Quelle marque ? Je sais plus, mais du coup, je lui ai dit que son renvoi était catastrophique. Non, c'est pas vrai. non, mais voilà. Du coup, j'ai parlé un petit peu du match avec lui rapidement et il était très en colère. Il avait l'assentiment... qu'ils avaient vraiment laissé passer une occasion de prendre des points. Et voilà, il était assez abattu, mais il m'a dit non, c'est bon, on va gagner. On n'a pas la tête dans le seau, mais ça fait, voilà, c'est pas la première fois qu'on perd des points faciles. Il a cité Nantes, il a cité je sais plus quel match. Voilà, donc il était pas bon, logique, hein, mais ça reste. Et donc il boit de l'eau après les matchs. Voilà, je tiens à dire. Pour le drainage, c'est très bien. C'est ça. Mmh. Il n'est pas très bien d'ailleurs, Mitrovic, depuis. Il avait fait un bon début de saison. Ouais. Et là, ça fait quelques matchs. Il est sous le feu des critiques. C'est vrai qu'il a eu. Avec des relances un petit peu. Enfin, des dégagements un peu dans l'axe. Mais ça, c'est. Bon, je sais pas si on maîtrise grand chose dans ces cas-là. Bah, les dégagements, non. Bah, les dégagements, c'est. Voilà. Pour le coup, la transition est bien trouvée, puisque Reims s'y remet. Il devient le meilleur passeur du championnat. Donc sa deuxième passe décisive en deux matchs pour l'attaquant de Reims. Alors après, est-ce qu'il est vraiment pas... Enfin, moi, je m'attendais un peu mieux de la part du Mitrovic, mais il n'est pas catastrophique non plus. Et d'un autre côté, moi, c'est peut-être... Est-ce qu'on ne le trouve pas mauvais parce que ces deux acolytes de défense centrale sont vraiment au-dessus du lot, je trouve, cette année. Martinez et Koné font vraiment une très bonne moitié de saison. Après, c'est le principe. C'est le principe d'une défense à 3. T'as deux stoppers et t'as Mitrovic qui est en libéraux. Ou à 5. Ou à 5. Oui, après, les gars. Voilà. Tu veux dire qu'en gros, Mitrovic, que Koné et Martinez, c'est les éboueurs. Du coup, eux, il faut qu'ils mettent des. C'est deux stoppers qui sont là pour. Ouais, par contre, je trouve que Martinez a quand même une belle qualité de relance de passe longue avec son pied gauche. Ah oui, tout à fait, oui. Mais... Enfin, c'est pas juste un éboueur qui met des coups et qui sort des poubelles. Quoi. Mais après, c'est par rapport à une défense. Il n'y a pas de saut métier, évidemment. Une défense à 4 avec deux défenseurs centraux, c'est complètement différent au niveau de la répartition des rôles. Tu penses que Mitrovic serait moins à l'aise dans Il serait plus à l'aise dans une défense à 4 qu'une défense à 3-5. On l'a recruté pour ça, je pense. C'est vrai que les circonstances ont fait que maintenant on joue en 3-5-2 ou en 5-3-2. Mais peut-être que. Il est moins à l'aise dans ce système, même s'il jouait dans ce système à la Gantoise, à l'époque où ils étaient en Ligue des Champions, mais il était stopper gauche, il n'était pas libéraux. Est-ce qu'il sort d'une saison pleine, rappelle-nous Il était blessé l'an dernier. Oui, donc c'est peut-être tout simplement ça aussi. C'est un contre-coup. Un peu un effet comme Jonas Martin l'an dernier qui... tout à fait, oui. Peut-être que le vrai Stéphane Mitrovic, on va le voir là dans quelques mois ou la saison prochaine. Ou en fin de saison. Oui, dans quelques mois, c'est-à-dire là, en mars, avril ou... Non, je sais pas. Hein. Bah, faut espérer. Après, c'est pas une catastrophe non plus. Ah non, il mais reste, c'est vrai qu'on reste, très bon. On reste un petit peu sur notre fin. C'est au-dessus de Bakary Koné. Oui. Ah oui. Oui, le flegme de Bakary Koné. Oui, mais pas Mangan. Ah non, Mangan, hors catégorie. Alors, Mangan, pour l'avoir vu récemment, moi je trouve qu'il a beaucoup maigri par rapport à. La Mangan qui avait séparateur d'embrouille. D'après ce que j'ai entendu derrière la mouchetour. Rachmaninoff. Oui, Kittel vous a rejoint. Morgan qui était au Collège Kléber pour les journées internationales de Haguenau ou je sais pas quoi, j'ai vu ça. D'accord, ouais. Et il a dit ouais, c'est cool que les jeunes soient là. Et tout. Donc voilà, c'est un grand homme en plus, c'est un humaniste. Un humaniste rénant. Dans la tradition des valeurs de l'Alsace. Mais il est très sympa. Hein. Alors, donc Kader Morgan va nous permettre de passer au match suivant. C'est le match, un triste match à Reims. Oui. Déplacement, je ne sais pas si certains qui étaient à Reims là autour de cette. Oui. Voilà. Donc à tort, quelque chose dans la liste. conditions météo dégueulasses, hein, froid, pluie. Super froid. Le toit ne sert à rien, apparemment, hein, au stade de... Auguste Delaune, dans la tribune visiteur. J'étais au deuxième étage, donc à l'étage. Ah, tu étais abrité du coup. J'étais abrité, mais il neigeait quand même. J'étais avec les nantis. Mais même, il faisait froid, c'était venteux. En fait, le toit ne ferme pas complètement le stade, donc c'est ouvert au-dessus des quarts de virage. Et donc ça s'engouffre et. Alors, le match a commencé par un moment de sympa de communion suite aux attentats de Strasbourg. Et puis il a passé. Valeurs du ballon rond. Voilà, exactement. Et sinon, le match en lui-même n'a pas été. Voilà, pour refaire la blague, il s'est fini comme. Il a commencé comme. Il s'est fini contre Caen par une passe décisive de Mitrovic. Et là, il n'y a pas grand-chose vraiment. Il n'y a pas de. Moi, j'ai trouvé que c'était le plus. Oui, il y a un beau but quand même, le but de Thomasson sur la belle action de Jonas Martin. Martin qui construit le but. Bon, le 2-1 de Reims, c'est quand même encore un cran. C'est un coup franc, quoi. Moi, je trouvais que c'était le plus mauvais match du Racing de la saison. Après, les conditions n'aident pas. J'imagine que jouer, s'entraîner toute la semaine dans le stade à huis clos. Ouais. Après, est-ce que ça a joué pour les joueurs? Moi, je pense que ça a joué un peu. Voilà. Mais Loré disait qu'il préférait être à huis clos, qu'il aurait aimé avoir plus de huis clos pratiquement. Je ne veux pas dire que ça l'a arrangé, mais. À l'avenir, Loré souhaiterait que les entraînements soient un peu moins ouverts. Je me rappelle qu'à une époque, il y avait de temps en temps, le jeudi, lors des mises en place, il y avait des huis clos, non ? Alors, on l'a refait cette année, hein. Ça a été refait. Mais c'est très compliqué à la méno, puisqu'on voit à travers les tuyas qui sont autour du terrain d'entraînement. Du Guépérou ne faisait pas du huis clos. Ouais, Le huis clos, cette année, il y a un huis clos qui était décrété. Et je crois, attends, ça avait sorti la stat, t'as dit, ça faisait genre 8 ans que c'était pas arrivé. Je crois que c'était Furlan, le dernier, qui avait fait un huis clos. Du Guépo n'a pas fait du huis clos, justement, mais t'es obligé de les faire sur le terrain d'honneur, donc sur le stade de la Méno. Parce que... Il y a le portail, c'est ça qui. Sur le terrain d'entraînement, en fait. Sur le terrain d'entraînement, t'as un terrain d'entraînement qui est pas. Dans le stade. T'as un terrain d'entraînement qui est juste grillagé, donc là, tu peux pas faire du huis clos, ça sert à rien. Et sur l'autre, t'as des tuyas qui sont morts, tu peux voir à travers. Après, l'intérêt du huis clos. C'est vrai, s'il y a un mec avec un drone qui veut voir, il verra. Mais est-ce que c'est pas juste plutôt que tu sois tranquille, que t'aies pas de sollicitation de fans et de public? C'est pour travailler des tactiques particulières. Ouais, pour que Stéphane Godin ne les dévoile pas le lendemain. Après, pour ceux qui sont déjà allés à l'entraînement cette année, il y a du monde, mais c'est pas non plus, il n'y a pas 10 000 personnes. Hein, il y a quand même une centaine de personnes, mais sans problème. Et c'est pour l'instant un public qui, vu que ça se passe plutôt bien, qui est plutôt bienveillant. Qui demande un 2-3 autographes à la fin, une ou deux photos et salut. Enfin, c'est pas. Je pense que c'est pas un public qui va balancer des infos, machin. Enfin, ouais, bon, l'intérêt du clou, il est. Non, mais. Est-ce qu'on joue au 4-4-2 ou 4-4-3 aujourd'hui? Tommy, merde. Donc on reste là-dessus pour Reims et puis enfin on termine avec. Nice. Ah, on a oublié Marseille ou pas? Ah, le match au coup, toute la Ligue. Sur France 3, c'était un grand moment. À 21h05, avec Kader Boudaoud. Et Alou Dera. Donc oui, le Racing qui va chercher la qualification à Marseille. Bon, pas grand chose à dire. Si, quand même, 8000 spectateurs au Vélodrome. Ouais, ça avait l'air vraiment. Alors vide. On s'attendait bien à ce que ça soit, il n'y ait pas grand monde, mais l'occasion de rappeler que la Coupe de la Ligue est une hérésie, sauf quand on la gagne. Bon, l'Europa League l'an dernier, ils avaient aussi fait des affluences de merde. Oui, c'est vrai. Jusqu'au cas. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, on aurait dit la méno demain entre Strasbourg Olympique et Saint-Étienne. Oui. Et c'est vrai que Strasbourg, le Racing fait tourner contre Marseille et pas Marseille. Il y a du Payet, il y a du Rami. Parce que Marseille savait qu'il jouait pas le samedi, en fait, je pense. Non, c'est pas ça. Marseille avait le match annulé. Et puis aussi, au niveau cartouche pour réussir leur saison, Marseille, ils n'en ont plus beaucoup. Il faut des titres. Juste la conférence de presse d'avant-match de Rudy Garcia, il disait qu'il voulait gagner la Coupe de la Ligue. Ouais. Donc c'est vrai que ça. Alors bon, nous on y va un peu équipe avec on fait tourner, Bingouro but. Justement, pas mauvais, ça maximise nos chances. Pas mauvais. Voilà. Pas mauvais. Et bon match de Camara. Ça fait plaisir. Hein, il sort un pénalty pendant le match. Il sort un pénalty pendant le match. Il sort un peu aux fraises sur le but de corner. Non, ça c'est faux. Oui, à faut savoir que Hathor est un bingouriste. Avec Rostra, nous sommes la secte des bingouristes. Avec qui a gagné des membres ce jour-là. Ross 3 qui était présent au stade. Parce que moi, j'étais plutôt de l'équipe Bingourou potentielle. Voilà. Bon, bref. Très bon match de Bingourou. Ouais. Mais bon. Alors, mais c'est vrai que le Racing se retrouve quand même en quart de finale. En En quart, on est déjà en quart. C'est une coupe à la con, vraiment, on est déjà en quart. Et du coup, maintenant, on va commencer à la jouer, peut-être. Voilà. Et donc c'est en général là que ça se passe pas très bien. Et du coup c'est Lyon qui a été tiré. On va à Lyon, oui. Voilà. On a joué contre Lille, bah, Lille on joue contre Marseille. Lyon. À Marseille. Non, si on va, si on va au bout, on pourra pas dire qu'on a eu un bon. Non mais là on va sortir le PSG en demi, on va perdre contre Amiens en finale. Ah ouais, le Havre, il reste le Havre. Ah mais ça change de Clermont il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Il y a 14 ans, pardon, j'aurais pas. Souvenez-vous. Donc, Michel Drucker animé déjà. Cette histoire de tirage au sort Lyon, ça a quand même un peu cassé l'ambiance dans la foulée de la victoire à qualif à Marseille. Tu te retrouves, va falloir retourner à Lyon pour un quatrième match à l'extérieur en début janvier contre Lyon, bon, qui ne brille pas vraiment, mais ça reste Lyon. Et d'office, tu dis, à quoi ça sert de se qualifier pour tomber contre Lyon, quoi. Et t'as encore PSG qui joue à domicile, Lyon, enfin tous les gros jouent à domicile. Donc. Encore c'est le complot mené par les Illuminati. Mais... donc c'est vrai que la qualification elle est pas encore dans la poche. Enfin la finale. Ah, bah, c'est le prochain match, hein, mine de rien, c'est dans 3-4 jours. C'est mardi soir, Canal. Non, c'est sur Canal, je crois. Mais François le passe aussi, là. François Région ou c'est juste Canal? Non, c'est moi, je pense que c'est la grosse affiche, c'est que sur Canal. Non, c'est PSG qui sera sur France 3. Ah oui, c'est ça. France 3 prend la plus grosse affiche. Ouais. Et le reste sur Canal Plus Sport. D'accord. Donc, du coup, ce sera sur Canal. Ce sera sur Canal avec Stéphane Guy mardi soir. Ah, bon, super. Et du coup. Super, tout est réuni, là, pour l'exploit. Dernier match. Concitoyenne. Contre Nice, le retour d'Issan Sako. Il a eu du temps de jeu. Et donc pour parce que Issan Sako qui joue qui a quasiment pas joué de la saison, qui était sur le banc. Et bien c'était déjà une performance d'être sur le banc. Il était sur le banc, c'est déjà bien. Et puis comme Belotti était mis à l'écart et Saint-Maximin était blessé, et bien et que Nice était mené au score. Donc en fait, il est rentré à 5 d'attaquants. L'arrière gauche était blessé. Nice n'a plus d'attaquant et Sako est sur le banc. C'est quand même fabuleux. Voilà. Donc c'est là, ils ont joué avec qui? Ils ont joué avec Ganago en pointe. Donc vraiment. Un jeune de la CFA. Donc Patrick Vieira, au bout d'un moment, il se dit il n'a plus le choix. Non, mais il est rentré arrière gauche. Il est rentré à milieu gauche. Ça a changé de couloir gauche. Il est rentré à la 52e. Voilà. Bon, bref. Donc bon match ou pas bon match du Racing J'ai cru dire ça. Parce que moi, j'ai lu des avis assez divergents. Moi, j'ai trouvé que c'était tranquille. Quoi, c'était encore en deux temps. Hein. La première mi-temps, on est plutôt bon, on gère bien, on est 2-0. Oui. Et en deuxième mi-temps, tranquille, on gère, un peu comme... Mais on gère mieux que d'habitude. Ouais. Oui, on gère un peu parce mieux que d'habitude. Parce que Nice a très peu Alors, Matzels a quand même le bon goût. Ah oui, un pénalty. Il a eu le bon goût de sortir un pénalty. Ouais. Sans ça, je ne sais pas... Tournant du match, on pense que c'est... Mais un pénalty où Sako reprend derrière et aurait pu marquer. Oui. Donc ça met fin à une série à peu près de 950 jours où le Racing prenait à chaque fois un but d'un ancien joueur. C'est con parce que Sako a préparé son petit t-shirt Rachmaninov en dessous. Ouais. On lui a vu mon temps de jeu, connard. Ouais. Vous pouvez suivre sur Twitter les aventures de Sako. Voilà. Non mais sur Rachmaninov. La saga de ce match, je ne sais pas combien il y a eu de... du coup, tu as le match qui passe sur écran géant et tout au stade. Le nombre de plans qu'il y a eu sur Vieira... qui en pouvait plus, quoi, de son équipe de sénateurs, là, qui... Parce que, bon, faut dire ce qui est, enfin, on est très content d'avoir gagné, ça nous permet de terminer la première partie de championnat avec plus de points qu'on avait l'an dernier, mais... J'ai l'air d'émission. On a battu une très faible équipe de Nice, quoi. Ça ronronnait, le meilleur joueur de Nice, c'était Jallet. Non, mais c'est vrai, il y avait Dante. Il y avait Dante aussi, mais qui a le même âge. Voilà, c'est pas Jallet, c'était Attal le meilleur joueur. Ouais, il y avait Laurent Réa là qui était bon. Attal. Attal était bien muselé par Cassie, hein. Il n'avait pas son rendement habituel. C'est vrai, mais il a été dangereux. Alors j'ai trouvé que Cassie, sur le côté gauche, là, ça combinait très bien là, avec Cassie et Martin ou je sais pas qui. Ouais, mais Thomasson était très bon sur ce match là. Est-ce que du coup, ce match n'a pas grand chose d'autre à en dire? Est-ce qu'on peut faire un. Bah, on peut parler quand même de. Quand même de Jean-Luc Filzer qui a parlé pendant la Marseillaise avant. Oui, je pense qu'il n'a pas entendu qu'elle partait, tout simplement. Mais il voulait vraiment nous expliquer ce qui s'était passé le 11 décembre à Strasbourg, rue des Orfèvres et tout ça. Il croyait qu'on n'avait pas vu, donc il fallait nous dire. D'accord. T'as parlé d'une bonne intention. Non, non, mais c'était franchement, moi, ça m'a, ouais, ça m'a foutu les poils. C'était chouette. La minute de silence, c'était vraiment impressionnant. C'est vrai que c'était même 5 minutes. Franchement, normalement, t'as toujours un connard qui crie. T'as toujours un connard qui crie. C'était vraiment. La dernière fois qu'il y a une minute de silence comme ça, c'était après Charlie Hebdo. Hein. C'est vrai. La même minute de silence. C'est vrai. Il y avait juste là, Knacky, ouais. Knacky et moi. Donc là, Knacky qui est dans la pièce d'à côté. Mais il y avait des mascottes un peu, des peluches. Oui, il y avait des cigognes. Et des cigognes. Non, c'était un EVG, ça, je pense. Ouais, les cigognes, c'était un EVG, je pense. T'as juste 3-4 cigognes qui arrivent en quart de virage, en bas du quart de virage pendant la minute de silence. Et là, à deux, on commence à partir en fou rire. Donc c'est... Heureusement, ça n'est pas vraiment sorti. Mais... C'est pas très digne. Voilà. C'est pas très Charlie, tout ça, mais on est sorti. C'était juste un match un petit peu détendu en tribune avec 2-3 échauffourées. Mais Roulian pourrait en témoigner. Et notamment une que j'ai trouvée assez savoureuse. Une mini. Hein, au début du match, au pied du COP, vous savez, au niveau du poteau de corner, il y a une grille. On peut accéder. Enfin, si on l'ouvre, on peut accéder. La grille jaune. Et là, il y a un gars bien habillé avec un badge d'accréditation autour du cou et qui est ivre mort en fait, avec plusieurs gens avec des badges. Donc c'est des gens, je pense, c'est d'une grosse société qui fout du pognon. Ils ont eu un cocktail premium et les mecs étaient ronds comme des queues de pelle. Et le gars, il grimpe à la grille comme ça et puis il commence à insulter tout le monde. Et du coup, au bout de 10 minutes, il s'est fait expulser du stade Manu Militari. Voilà, c'était assez drôle. Voilà, je pense que c'était pas le profil habituel des gens qui se font virer de stade. Donc attention hein, aux partenaires, il faut qu'ils fassent le ménage. D'ailleurs, parlant de partenaires, il y a eu des bonnets qui ont été distribués ou pas. Enfin, je sais pas, est-ce que quelqu'un d'ici. Il fallait être très tôt, je pense. Ah, fallait être très tôt, parce que j'ai vu des gens avec des bonnets, comme l'an dernier, le dernier match. J'en ai pas eu, je suis arrivé trop tard. Ouais, moi non plus. C'est SPI quoi. Bah, l'an dernier, c'était SPI, mais je crois pas que c'était SPI. Non, mais c'est SPI, ouais. Alors, avant qu'on fasse le bilan de la saison, la demi-saison. Et JP Darky qui nous a rejoint pour les... Notre standardiste. Les questions Minitel. J'en ai moult. Alors d'abord, avant de passer aux questions Minitel, on a un salut amical de mon ego et moi. Oui. Qui voulait un blourg. Alors, blourg. Alors on me dit... Alors j'ai énormément de questions Minitel, mais il y en a des très longues. Alors je vais commencer par les courtes. D'accord. Parce qu'il y en a vraiment des très très longues. Alors pour ça, je glisse mon doigt. Alors, de notre... tout à fait. Je suis obligé de commencer par notre plus grand auditeur, notre plus grand poseur de questions. Ross. Exactement, Ross 3 de Corcieux. Alors, je vais vous dire, ça va aller vite au départ. C'est plutôt chips ou cacahuètes ? Chips. Chips, ça fait plus de bruit. Plutôt bière ou vin ? Ah, ça, c'est bière. Bière plutôt. Bière, hein, France de l'Est. Ouais. Moi, je dis 50-50. Mais ouais. Bon, parce qu'on a un vionnier là. Enfin, bon, bref. Quel a été le chroniqueur le plus présent ? Toujours Rose 3. Depuis 10 ans, je sais pas. Maintenant, c'est Gigos, peut-être. Ça va être Gigos. Je pense Gigos. Radio Chou va-t-il devenir payant ? Il est déjà payant, mais pour toi, c'est gratuit, Rose 3. Tu es le seul pour qui c'est gratuit. Tu payes pour y aller, en fait. Exactement. Nous, on paye des sommes astronomiques. C'est comme pour aller au... Comme le Rotary. Exactement. Ouais. Ou au dîner du candidat à la présidence. Lions. De Fresnel. Ouais, voilà, exactement. Alors, Hathor compte-t-il démissionner suite à son information erronée, Lamine Koné ? Alors, c'est une question de Victor. Ouais. Alors, la réponse. Hathor Gate. C'était exclu. C'était un mauvais tuyau d'un agent qui m'avait informé sur d'autres pistes qui s'étaient révélées exactes auparavant. Christian Payan, pour ne pas dire ça. Disons Christophe H, enfin un de ses collaborateurs. Et voilà, il me disait que non, connaît ça se ferait pas et que le Racing était sur d'autres pistes. Voilà, tout simplement. Voilà, merci. Thierry Lauré. Une question de foca@futobé. D'accord. Radio Stoop spécial 10 ans. Quel est le joueur que vous avez le plus apprécié sur ces 10 dernières années ? Oh, on a vu Faut faire. Ah, non, sérieusement, alors 10 dernières années. Alors 10 dernières années, ça commence en fin 2008. Il n'y a eu que de la daube. Non, mais il y a eu vraiment. Ouais, c'est la fin de Kassar. Il y a eu encore. Oh, à mon époque, il y a la cour Coad. Ouais. Ouais, quand Kassar joue à Sochaux... David Lady. Attends, non, le mec qui demande une augmente après 3 matchs. Là. Pierre Zeki. Non mais là, sérieusement, quelqu'un il a une idée de... Sur ces 10 dernières années. Là, le joueur qui vous a le plus fait vibrer... Fauvergue. Ah, je sais, moi. C'est qui, le gars, le... Le Sud-Américain qui a fait 6 mois là en national. Ah, Ribas. Ça c'est pour Hathor ça. Qui était prêté par Genoa, ouais. Sébastien Ribas. Ouais. Basile de Carvalho. Le mec qui joue par Piatti, il tire en plein milieu. Gargorov, face au gardien. Gargorov. Gagarov. Non, alors sérieusement, il y a quelqu'un. C'est vrai qu'on a Blayak, du mal. Kevin Gallagher. Blayak. On a du mal. Blayak. Jerry Blayak. Yénard pour son coup franc. David Lédi quand même. Non, moi je préfère quand même Yénard. Alors, et sérieusement, le meilleur depuis 10 ans. Le meilleur. Boutaïe. Est-ce que c'est Motiba ou c'est Jonas Martin? Boutaïb en D2. Kenny Lala peut-être. Boutaïb en D2, le mec qui marchait sur l'eau, il mettait des buts de la tête. Info l'équipe, Boutaïb irait à Zamalek en Égypte. Ouais, donc on va dire peut-être le meilleur, Boutaïb. Blayak. Oh, il est pas resté longtemps. Le plus emblématique. Il y a 10 ans, Blayak. Pour Radio Stoub, Dimitri Liénard. Parce qu'on l'a taillé de plus en plus. Ah, ouais, Liénard. Oui, j'ai une info pour Radio Stoub. C'est quand même des chroniqueurs de merde depuis pas longtemps. Ils détestent Liénard. Non, mais. Le mec, t'es contre le peuple. C'est ça. Liénard, t'es contre le peuple. Le mec, il remplissait les rayons au Super U. Et Marc. Il vole des buts à Colmar. C'est que le triplé Boanga. Moi, ça fait 5 ans, c'est vrai qu'ils volent un but à qui, mais Boanga. Non, mais après, franchement, c'est effectivement, avec du recul, c'était une bonne chose de voler un but à Boanga. Ouais. Ça l'a mis en confiance. Boanga, ouais, c'est qui joue à Nîmes, là. Voilà. Les mecs qui perdent 3-0 à Lyon, la Duchère. Donc, et effectivement, moi, je dirais, les meilleurs, c'est peut-être Boutaïb. À voir, dans un an ou deux, peut-être qu'on dira que c'est Stéphane Maxet. Oh non. Ouais. Ok, alors merci Jubé Darki. Et puis, j'ai une question suivante. Merci pour la question suivante. Il y a Jacques Moma quand même. Alors, oui, Jacques, alors, une question de mollusks68. Le Racing va-t-il faire une deuxième partie de saison semblable à celle de l'an dernier? Juste comme ça, le dernier match à la Méno sera un certain Strasbourg-Rennes. Alors, moi je réponds très vite. Alors, allez, non, c'est des questions, il faut répondre rapidement. Moi je pense que non. Je pense qu'on ne fera pas. Je pense qu'on n'aura pas de trou d'air comme l'an dernier. On en a eu. Tu penses qu'on va enfin faire la saison genre tranquille, on se maintient et on joue pas la montée ou la descente? Non, par contre, on jouera pas ça l'Europe. Ça fait 15 ans qu'on dit. On joue non, mais on jouera pas l'Europe, tu vois. Ouais. On contre des camps, on continuera à perdre contre des camps ou des voilà. Quand on croit qu'on va pouvoir être cinquième, mais je pense que on va pas faire. Combien de fait match en gagnant en année? 10, 11 ouais, une grosse série, oui. Ouais, je pense qu'on est à l'abri de ça. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec enfin, moi. Enfin, la saison 11e, quoi. Allez, la saison question suivante. Alors, bon, après, il y a des questions, genre, contre Issan Sako, t'as envie, comme toi, tu es le... Vas-y. Okay. Un an après, les statistiques incroyables d'Issan, c'est dur à dire, I-H-S-A-N, Issan Sako, avec Nice, doivent-elles nous faire regretter le départ de ce véritable... diamant brut. Alors, voilà. Peut-être qu'il y a du deuxième degré. Je crois que la réponse est dans la question. La D'accord. réponse est 2 millions d'euros. Donc on voilà. pas. Non, pour l'instant, on les a bien fumés. Quoi. Ah oui, tout à fait. C'était une question de mollusques. Ok, c'est un question. À la Sidi Keïta vendue à Lens, 6 millions d'euros. Ouais. C'est le même genre. C'est vrai. Je passe. Non, le top pour moi, c'était qu'on a vendu Mdani à Marseille. On l'a vendu chez nous. Bon, finalement, il a quand même été capitaine, mais je trouve qu'on l'a vendu, on l'avait bien vendu. Quoi. C'était le capitaine de l'épopée en 2004 en Coupe d'Europe. Hein, donc. Mais à l'époque, je trouvais qu'on avait, on les a entubés, et puis en fait, pas tant que ça. Alors, bon, je passe la question au Racing parce qu'on n'a pas le temps. Ah, on me demande si le Vaunier du domaine des Hommes, ça c'est Eric Benzinger. Oui. C'est du domaine des Hommes et c'était très bon. Attends, donne-moi une seconde. Je vais. Tu bascules par là. Sur je passe sur Evernote parce que j'ai. Je bascule sur Evernote puisqu'évidemment j'ai préparé cette émission comme jamais. Alors on a. T'es pas sur Telegram. Je suis aussi sur Telegram. Alex, alors tiré du 8 int, le tiré bas. Et du coup, la question Radio Show qui s'impose, où en sera le Racing le 5 décembre 2028? Pourquoi 5 décembre? Dans 10 ans. Oui, dans 10 ans. Dans 10 ans. Champion d'Europe. En N3. Où ça? R3 dimanche matin. Est-ce qu'il y a 10 ans, ce serait imaginé avoir fait les 10 années qu'on vient de passer là? C'est quand même 10 ans de qu'on est passé par tout le monde. Imagine. Non, mais après, il y a 10 ans, on t'aurait dit, écoute, dans 10 ans, non, on t'aurait juste dit, dans 10 ans, on sera 8e, 8 milieu de tableau de Ligue 1. T'aurais dit, bah évidemment. Carrément quoi. Bah oui. Sauf qu'en fait, tu savais pas que t'allais descendre en D5 et que Sabrina et que voilà. J'ai une autre question pour toi, Rachma. Dans 10 ans, où sera Issan Sako? Alors, sur le banc. Issan Sakho dans 10 ans. Quel âge il aura? La trentaine? 97. Il, est... ouais, il sera à Cagnes-sur-Mer en D4. Non, non. À la balle. Je sais pas, ouais. C'est une série comme tout le monde. Peut-être qu'il jouerait avec Romain Gasny en Thaïlande. Bon, alors, il est revenu. Alors, non, dans 10 ans, sérieusement, je. Moi, je. Dans 10 ans, je pense qu'on sera éteint. Non, on sera en D1 ou en D2, je pense. Voilà, mais je. Ouais. Mais je pense qu'on n'aura pas. On aura fait une ou deux Coupes d'Europe. Et, mais bon. Voilà. Par contre, non, la question, c'est est-ce que sur les 10 dernières années, en sachant où on a fini aujourd'hui, est-ce que vous auriez préféré qu'on soit. Qu'on finisse chaque saison à l'arène, exactement, ou avoir vécu ce qu'on a vécu? Non, moi, c'est vraiment les années que j'ai aimé le plus. Ouais, ah bah, clairement, oui. Mais parce que tu sais que ça, parce que tu sais que l'histoire, elle finit bien aussi. Non, même quand j'étais dedans. Si tu sais qu'on finit comme Cannes ou comme. On sait que c'était pas long. Ça a duré que 5 ans. Si tu finis comme Mulhouse ou machin ou Sochaux, ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est facile de le dire. Non, mais tu peux finir comme Mulhouse et on serait resté. Tu peux faire une guignon, tu peux faire. Mais même quand j'étais dedans, j'ai aimé. Mais c'est vrai, j'avais peur. Non, mais j'ai la aimé, saison de CFA 2, t'es bien, alors qu'on savait pas ce que non, c'était. Non, c'est vrai, pas qui était le président, qui était là. Non, ce qui est surtout, enfin, ce qui est une fierté, c'est d'avoir d'être remonté comme ça. Là, pour le coup, c'est une vraie fierté d'avoir pu. Avoir pu dire, voilà, on a côtoyé les divisions amateurs, on était donné pour mort, on était bien cuit, hein, on va pas se mentir. Et puis là, se retrouver de nouveau en première division, après, ça voilà. C'est quelque chose. Si on avait multiplié les saisons quand même en CFA national, ah, ça a été compliqué. Hein. Au stade, on n'était pas 25 000 hein, il y a 4-5 ans. Non, on était 40 000 d'après ce que j'ai dit. Ouais, non, mais faut quand même. Moi, j'y étais. Voilà, non, on était autour de la main. Cop fermé. Sur le courant, t'as acheté une selle. Tu te souviens que dans le quart de virage, on avait condamné le haut côté, et le haut était condamné. Il y avait une bâche. Et quand aujourd'hui, t'as une tribune immense comme la Ouest qui est blindée. Eh, mais on était tous là. Ouais. C'est vrai qu'on. Tous ceux qui sont là, on était là. C'était Einstein, c'est. Ouais. Alors, question suivante, Pédarchi. Ouais, mais alors après, c'est super long. Alors, attends. Vas-y, fais. Alors, vous voulez du Il Vecchio ou pas? Si, allez, synthétise. Est-il envisagé de faire jouer les féminines en mini-jupe à volant à compter du printemps? Non. Ouais, c'est ok. Non, est-il vrai que l'Auray sanctionnera les défaites en obligeant un joueur à porter un nœud papillon jusqu'à la prochaine victoire? Il y a un Racing qui l'a fait. Le Racing Club de France Rugby. Voilà. D'accord, ok. Les gilets jaunes fleurissent sur les ronds-points avant les jonquilles. Mais le gilet rouge alsacien à boutons dorés fera-t-il partie de la tenue officielle de sortie des joueurs ainsi que la coiffe traditionnelle pour les joueurs? Les chaussettes blanches. Gale. Là, chaussettes gale. Net. Ok, question suivante. Dans le cadre de l'élargissement de l'actionnariat, est-il vrai que Marco c'est le plus. Ah, il a écrit Marco le plus beau, alors que c'est Marco c'est le plus beau. Il y a un problème là. A refusé les softs du Gobos. Oh putain, ça c'est. Oh là là, ouais, ça c'est. Oh là là, point nazi quand même. D'un cinglant, le seul boss au Racing, c'est moi. Ouais, ouais, mais on mais sent bien. C'était quand même bien coupé ces uniformes. Ah ben ça, alors, ils avaient la classe. Ils avaient pas froid. Donc on passe. Rika Lewis, c'est un long témoignage. Alors Rika Lewis, juste, il dit que quand il a revendu sa place à la plateforme officielle. Il a récupéré tout le pognon. Voilà, qu'il y a une grosse part qui était prélevée. Quasi 50%. Hein. Voilà, il dit qu'il a récupéré 6,80 pour une place à 12, qui t'avance à 12 euros. C'est déjà suffisant. Il récupère un 19e de son. Voilà, il gagne une petite partie. Si ça avait été comme avant, il aurait rien gagné ou il aurait fait la manche devant le stade en disant ouais, j'ai pas un billet trop, mais je. Ouais, tu veux un billet? Là, il se retrouve avec une petite somme qui est correcte. C'est ce qu'il a payé. C'est ce qui était prévu. Il a payé un 19e de l'abonnement. Non, c'est pas ça. C'est que. Non, il dit que. C'est pas tout à fait un 19e. Non, c'est que. Et lui, il pensait récupérer 12 euros. 12 euros, c'était un 19e de son abonnement. Et il a récupéré 6,80. Et il trouvait que là. Voilà. Ils s'en mettent plein les fouilles. Qu'il y a des frais qui sont. Mais bon. Effectivement, c'était soit zéro, soit voilà. Tu te fais chier avant soit, non, soit tu prends alors, le risque de vendre ta carte à quelqu'un que tu connais pas et qui te la rend jamais et t'as l'air ouais, bon, là, c'est plus. Voilà, ok, question suivante. Super. Alors, Superdou, 44 ans. D'accord. Je sais pas pourquoi, ça m'écrit ça. Ouais. Ma question est là, un départ de Lala. On va se tourner vers Hathor, du coup. Maintenant, on arrête les rigolades. Lors de ce mercato d'hiver, entraînerait-il également un changement de tactique du Racing, sachant que le 3-5-2 a été mise en place pour permettre d'utiliser au mieux ses qualités? Alors, on va demander à Hathor de répondre peut-être. Bah, Lala ne part pas cet hiver. Donc c'est sûr. C'est pas un mauvais tuyau d'agent. Il y a des sites de l'OM qui parlent. Non, alors on rappelle que. Sauf que les sites de l'OM ne savent pas. Que la LAN est en contrat jusqu'en juin 2020. Exactement, oui. Donc c'est une info qui est passée un petit peu inaperçue. Oh putain, il est gratos, on va le prendre. Voilà. Ça dépend toujours du chef, de toute façon. Non, oui, c'est ça. Non, mais il aurait été libre. Il aurait été libre en juin, ça aurait été différent. Oui, mais là, il est encore sous contrat. Si jamais. Donc c'est juin 2020. Juin 2020, ouais. Ça c'est sûr et certain. Mais à moins d'une offre de 30 millions d'euros que Marseille ne va pas se permettre. Marseille ne le mettra pas. Voilà. Non, mais c'est un club anglais, mais 10 millions. Non, mais Bournemouth. Monaco, il met Monaco. Monaco, il pourrait les mettre. À 10 millions, il part pas. Non, non, mais vraiment. À 10 millions, il part pas. Tu penses à partir de 10 millions, il part pas. Le prix de réserve. C'est quoi 15. Toi, eBay. À Oulu, c'était 15. Non, mais entre 15 et 20, il y a une offre qui est très peu probable. Faut le vendre. Non, mais 10 millions. Entre 15 et 20, tu le vends. Bien sûr. Mais c'est pas sûr qu'elle arrive. Mais le club ne veut pas le vendre cet hiver. Ça, c'est clair. Oui, donc Marseille, là, qui espérerait éventuellement se faire à 5 millions. Bah non, voilà. De toute façon, quand t'as Benitez. De toute façon, ils vont vendre Payet 25 milliards en Chine. Bah, sinon, il y a Saka qui cherche du temps de jeu. Il faut le replacer arrière. Donc. Bah, mais comme Bagayoko, s'il te plaît. Donc pas de choix. Alors, par contre, plus sérieusement, est-ce que c'est quel match qu'on a commencé en 4-4-2 là récemment? Oula. Il y a un match qu'on est repassé en 4-4-2. Est-ce que. Non, c'était juste de circonstance ou alors ça annonce un. Et non, mais là, je vois milieu droit. Hein, ouais, il a joué. C'était pas bien. Non, mais là, la suite de la saison, on l'a fait en 3-5-2 ou en 4-4-2. Ça peut. Peu importe. Il y a pas de. C'est pas gravé dans le marbre. Non, c'est pas. De toute façon, Loré, on le connaît. Invariable de. Mais ça, c'est bien. Non, mais Loré, il peut s'adapter assez facilement. D'accord. Lala peut très bien jouer dans une phase à 4. Loré n'est pas dogmatique comme Furlan. Ok. C'est mieux dit. Question suivante C'est fini. D'accord. C'est tout. Eh ben, écoute, non, il y en avait d'autres, mais. Moi, j'étais pas intéressé. JP Darky, est-ce que tu peux rencontrer ce soir ou des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Bah, il sera au live, quand même. Alors, tant qu'on y est là sur le. On a perdu Strotim. On va. Oui, on a perdu Strotim qui allait au Ravito. Il est pas revenu encore. Est-ce qu'on peut parler Mercato, peut-être? C'est la galette. Messieurs, Mercato. La fève est déjà sortie. Mercato. Qu'en est-il du mercato? Est-ce qu'il y a des. Bah, tu passes rien. Bah, ça sert alors, à priori, sauf opportunité. Donc, sauf offre mirobolante pour Lala, par exemple. Dans le sens des départs, il y a juste Lala. Je pense pour Idriss Saadi, au cas où. Déjà, il faudrait qu'il l'arrête. Offre mirobolante. Ou malade, ou à la muscu. Non, mais il se passera rien. Vraiment, il fait les barbes. Il se passera rien. Messieurs, pas de soi en même temps. Alors, vas-y. Non, mais je pense qu'il pourrait sinon se reconvertir dans le. Comme Salbe, là, notre. Ah, qui fait des. Il a un peu la même coupe. Nusret Gotse. D'accord. Alors, je le suis sur Instagram. Hein, tu parlais de l'entrecôte de Ribéry à 1200. Non, non, ouais, commencez pas. C'était 280 euros en fait. Hein. Ouais, c'était 1200 AED, c'est voilà. Ça. Voilà. Bref. Alors, donc, alors, bilan quand même du Racing sur les 6 premiers mois. Super. C'est bien. Non, alors, c'est super. On va essayer de détailler un petit peu sans être trop super. Exhaustif. Quelles sont les déceptions? Quand sont les déceptions? Ce qui est un peu troublant, c'est qu'on a l'impression que cette équipe, elle peut donner plus et confirmer. Et souvent, il manque le petit truc. Mais est-ce que ça, c'est juste pas le football en fait qui fait qu'il y a des matchs parfois que t'es pas en de gagner, qui viennent pas, et d'autres matchs comme à Montpellier où tu mériterais pas trop de repartir avec des points et t'en prends. Non, ce qui est troublant, c'est que moi, j'avais l'impression qu'on faisait un meilleur début de saison que l'an dernier. Alors que si on avait perdu le match contre Nice, on se serait retrouvé avec moins de points. Et donc là, on a que l'an dernier. Qu'on a que 2 points de plus. On a 2 points de plus. Est-ce que. Ouais. Pourtant, c'est pas comparable. L'an dernier, c'était en trompe-l'œil. Hein. Ouais, c'était en trompe-l'œil. Le jeu ouais. Est incomparable cette année, je trouve. Le contenu est plus sympa. Ouais, le contenu est beaucoup plus sympa. Et la profondeur devant est totalement différente par rapport à l'an dernier aussi. J'ai le sentiment qu'on était meilleur à domicile l'an dernier. C'est qu'on a. En termes de points, alors il faudrait. C'est possible. Moi, je trouve que le Racing a perdu des points contre des équipes. Toulouse, inférieur des équipes, Caen, Nîmes, Nantes, Toulouse, on perd. C'est des matchs qu'on gagnait pas. On n'a pas gagné, on n'a pas beaucoup gagné cette année. Ouais, c'est un peu ça quoi. Hein. Je veux dire, avant Nice, on restait sur quoi? Sur on avait. Sur 2 mois sans victoire. Ouais, on avait 2 ou 3. Caen et PSG, 2 matchs nuls. Et Nîmes défaite. Ouais, et Nîmes défaite. Toulouse match nul. Toulouse match nul. Et avant, on avait fait Amiens-Dijon, on avait gagné. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'il y a des points d'être. Est-ce qu'on se dira dans 20 ans, comme à l'époque Mostova et Sauzé, cette équipe, elle avait peut-être mieux à faire que 8e. Non, peut-être pas. Quand on regarde la saison 94-95, c'est quand même dingue. On termine 9e. L'équipe sur le papier était magnifique. Oui, mais à l'époque, déjà à l'époque, on savait que sur le papier, l'équipe était belle. C'est pas un truc. C'était pas des gens qui sont révélés plus tard. On savait que Mostova et Sauzé, c'était lourd. Alors aujourd'hui, au niveau la satisfaction, est-ce que c'est pas la cellule de recrutement, la satisfaction numéro 1? Ah si, bah oui. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Parce que globalement, normalement, quand tu fais un mercato, t'as toujours, tu te plantes sur un ou deux gars. Là, sur qui cet été, il y a pas beaucoup d'erreurs. Allez, Mitrovic, on l'attendrait un peu plus haut, mais il est quand même capitaine, il tire la baraque, ça va globalement. C'est pas une déception. Enfin, si c'est ça la déception, on en veut d'autres. Hein. Parce qu'après, Sissoko a fait, pour l'instant, il fait oublier Aoulou. Le recrutement de Jonas Martin. C'est vrai que c'est Martin qui a remplacé Aoulou. Son cousin Jean-Paul Martin. Est-ce que c'est pas la bonne surprise de la deuxième partie de saison? Ça peut être Thomasson aussi qui est vraiment en train de monter. Il monte en puissance, oui, clairement. C'est vrai que là, on aurait fait l'émission il y a un mois et demi, on aurait dit ouais, Thomasson, là, c'est la déception. Et là, ça a quand même. Statistiquement, c'est l'homme excellent joueur et tout ça. Bon, mais enfin, c'est ce que disent un peu sans voir le match, mais 4 buts, 4 passes décisives à la mi-saison, c'est des bases énormes. Mais c'est vrai que dans le jeu, ça commence à aller. Mais c'est marrant parce qu'on lit aussi, ouais, il a parcouru 13 km et tout. On a l'impression qu'il court jamais ou qu'il se cache un peu. C'est bizarre. C'est un joueur dont les statistiques ne sont pas en rapport avec l'image qu'il donne. Moi, je trouve qu'il monte effectivement en puissance. Là où Sissoko baisse un peu, je trouve, depuis un mois, comme ça. Il est un peu moins. Ouais, mais il reste quand même. C'était physiquement que Thomasson, là, jusqu'à il y a un mois, en fait, physiquement, T'avais un mec qui jouait. Non, c'était pas du cardio, mais c'est que quand il couvrait une balle, le mec mettait l'épaule, il volait, il était par terre, il a perdu tout de suite. Et j'ai l'impression que maintenant, ça arrive moins. Alors, je sais pas si c'est une fausse impression. Je sais pas s'il a pris un peu du cul, qu'il est. Peut-être positif. Sur les deux dernières saisons, là, dans la déception du recrutement, la seule que tu peux vraiment avoir, c'est Saadi. Oui, Saadi, on a mis du blé. Saadi, Camara, c'était un peu la. C'était un peu un pari, on n'a pas non plus. On ne peut pas dire qu'on a gâché de l'argent sur lui. Je pense qu'il a donné un peu le match de Marseille. Et là, cet été, on casse la tirelire sur deux joueurs, sur Sels et Motiva. Et pour l'instant, on est content. Oui, très content. Après, peut-être que Ajork, qu'on attendait comme le remplaçant de Bayak, Ajork. Mais il était blessé aussi. Il va retrouver du temps de jeu. Il était annoncé titulaire hier, il était titulaire contre Nice. Hein oui, voilà. Et Marseille aussi. Non, mais ceci. Pour moi, Ajork, entre le niveau moyen Ligue 2 et Ligue 1, il y a quand même un palier énorme. Ce qu'il a montré. C'est pas folichon, mais ça reste correct. Ouais, mais ça peut lâcher en place 4 de première division. Exactement, mais il peut être dans la rotation avec plein de différents profils. Mais on l'a signé 4 ans. Hein. Et ouais, si on avait commencé la saison avec Ajork, enfin là il s'est blessé tôt, mais si on avait fait par exemple août-septembre avec Ajork, devant on aurait peut-être fini avec 4 buts marqués total. Mais ça t'en sais rien. Je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Heureusement, Motiba est arrivé en fin d'été. Lui, c'est pas non plus un joueur qui fait grand chose dans le jeu, mais devant le but, c'est moi j'ai une question sur la gestion des attaquants par Thierry Loret. Parce que finalement, c'est un peu bizarre. Ça tourne beaucoup. Motiba marque beaucoup et il est pas titulaire systématiquement. Da Costa, c'est bien aussi, mais il est pas. Donc il y a clairement. Da Costa, il marche par trimestre. Clairement, Thierry Loret, il fait vraiment beaucoup de tours en attaque. Vous pensez que c'est bien ou qu'on se prive Est-ce qu'on passe à côté d'un gros coup de chaud? Est-ce qu'on passe à côté d'un gros coup de chaud de Motiba et que Motiva il pourrait avoir 2-3-4 buts de plus? Motiba il est pas titulaire quand il rentre de sélection, autrement il joue. Mmh. D'accord, donc en fait les absences de Motiva c'est lié à la sélection. Oui. D'accord. Je trouve que dans le jeu, Motiba est moins bon. Il pèse moins, je trouve, dans le jeu. Là, effectivement, devant le but, il est efficace et compagnie, mais je veux dire, quand il s'agit de conserver un ballon. ou d'être en pivot comme Ajar, moi je le trouve moins. Il a une bonne présence quand même sur le terrain. Non, non, mais après, il fait les efforts et tout. Ouais. Mais c'est un peu comme Zoé. Zoé aussi, on l'aime bien parce que c'est l'enfant du club. Il est arrivé de Bamako. L'enfant du club. Il est arrivé en train, c'est ça. Il arrive en 2011. Il a fait le transsaharien depuis Bamako. Mais c'est un. C'est un mec qui se bat et tout ça, mais devant le but aussi, on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment. Bon, en fait, on a des preuves riches quoi, cette année, parce qu'on a, là, avec Ajor qui revient, on a plusieurs bonnes solutions devant. Mmh. On a un bel effectif. Et donc, c'est normal, ça tourne un petit peu. Ouais. On a un bel effectif. Mais donc, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a un indéboulonnable en attaque? Motiba. Enfin, Motiba. C'est Motiba. Donc là, bah, si tu mets Motiba, si demain Motiba quand même jouer d'Acosta titulaire ouais. Et pas. Si demain Motiba ne revient pas de sélection et que c'est pas un match de Coupe d'Afrique de merde, ça sera Motiba titulaire, quoi qu'il arrive. Bah, je pense. Ouais. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que selon le profil de l'équipe adverse. Alors après, Motiba, il rentrera, il jouera sa demi-heure. Tu vois, il va pas rentrer 1 minute 50. On dit quel attaquant est indéboulonnable. Le numéro 1, c'est quand même Motiba. D'accord. Moi, ça me paraît évident. Ok. Et du coup. J'aurais pas dit ça, mais ok. Mais du coup, Idriss Sali n'a absolument rien à espérer sur des parties de saison. Parce que là. Il aura un peu de temps. Parce que là, si t'as Ajork, Zoé, Motiba, Dacosta. Ce qui peut se passer, c'est qu'il joue un quart d'heure, 20 minutes, il met un but, le match après, pareil. En Coupe de France, quoi. Alors après, bon, Ajork a été blessé, Dacosta a aussi été blessé, Motiba a été forfait l'une ou l'autre fois. Il peut très bien. Enfin, mieux vaut l'avoir que pas l'avoir, mais. Oui, mais il peut très bien rentrer dans une rotation et puis être quatrième attaquant. De toute façon, c'est pas avant mars qu'il revient. Oui, alors en plus, il peut même pas jouer les premiers tours de Coupe, puisqu'il revient pas avant je sais pas quand. Ouais, ça va être compliqué. Il a quoi comme blessure encore? Il a été opéré, je pense, mais c'est toujours son tendon. Son quoi là Comment ça s'appelle? Tendon rotulien. C'était pas au genou? Non, je sais plus. Il est blessé. Alors, Mais du coup, alors par contre, il y avait des rumeurs comme quoi on cherchait un attaquant. Est-ce que c'est vraiment. On cherche vraiment quelqu'un ou pas? Quand on parle d'opportunité, ce que disait Loré, c'était en cas d'opportunité d'un ailier. Ouais, un ailier. Après, moi, j'avoue pas comment. Vous jouez où à gauche? Bah, c'est un peu c'est ce qui était sorti dans la presse. Bruno Bellone est libre, mais. Alors, à quel poste on aurait besoin là, aujourd'hui? En 6, moi je trouve qu'on a pas de deuxième 6. La blessure de Gris, effectivement. Ah non, on a Cassie. Hein. Ouais, mais qui joue jamais 6. C'est son poste. Et il a encore jamais joué 6. Cassie qui a prolongé, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Voilà, à le retour de Stro Team. Elle était bonne la galette. T'as eu l'affaire? Non, je l'ai vu. Alors, sur le bilan, après cette partie de saison, pas grand chose d'autre à dire. Est-ce qu'on évoque un petit peu le stade avant de rendre l'antenne? 45 000 places, il faut dans le stade. Mais hein. Ça suffit pas. Il y a de l'actualité sur le stade ou pas? Non, il y a pas d'actualité, ça suit son cours. Il y avait un peu de débat sur le forum, mais. C'était des débats pour meubler un peu la trêve. Hein. Ah, donc il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire, ça suit son cours, le dossier est en. En cours d'études, il y a une assistante à maîtrise d'ouvrage qui était recrutée par l'Eurométropole. Est-ce que ça peut encore ne pas se faire? Non, là, c'est... Je pense que ça peut ne pas se faire, même si le Racing ne va pas se casser la gueule cette année, mais... Non, mais imagine, Ouais, changement de municipalité. Le FN prend le pouvoir. Les chars... Les gilets jaunes prennent le pouvoir. On va faire un putain de rond-point autour du stade. Non, ça va se faire. D'accord. C'est à l'étude, tout est lancé. Ça va le faire, ça va le faire, comme disait Greg Mesley. Hashtag petit Grégory, c'est ça. Bah écoutez, on a fait le tour, je crois. Non, une dernière question. Ah, attention, j'ai fait l'archi qui sort de ça. Ouais, tout à fait. Ça digère. Alors là, je sais pas si je donne le pseudo... Mais oui, vas-y, dénonce. Donne le pseudo si je tourne. Alors, Puerto Banus, qui nous demande, alors, sur les 30 dernières années, qui était le... Big picture, quoi. On ouvre le truc. Hein. Big picture. Vous restez pas sur les 10 dernières années, c'est de la merde. Donc, depuis 89. Qui était le meilleur ailier du Racing? Et il vous propose Jeff Perron ou Wilfried Goël. Daniel Pierroza. Alors lui, il propose que deux choix. Éric Gérard. Oui, mais on fait ce qu'on veut. Ou un autre. Ouais, non, ou Stéphane Collet. Jean-François Lemonnier. Alors, mais Marc Keller, Marc Keller, c'est un Marc Keller. Ouais. C'est Dussault quand même. C'est Dussault. Jean-Luc Le Monnier. Young Mancio. Bon, on n'a pas de réponse, hein, je crois. Non, non. Si. Ils étaient tous géniaux. Sandro Sosa. Gauthier Pinot. Des nouvelles de Gauthier Pinot, à tort? Bah, ils jouent à Orléans. Il a gagné. Il aime toujours la DSP. Mais ils ont gagné contre les Glands du Lamentin, là. Contre les Glands du Lamentin. Les Glands. C'est le club Martinique. Ah oui, c'est le club qui était obligé de se déplacer en avion. Exactement. Bocali, là. Exactement. Bocali aussi était en avion à Grenoble, pas en bus comme d'autres. Bon, et bien écoutez, messieurs, on a fini, je crois, ce tour d'actualité. Voilà. On fait pas de l'orée d'émission? Ah oui, démission, j'ai un sondage. L'orée d'émission. J'ai un sondage Doxa Radio Shtoub Twitter, puisque la question a été posée aux gens pour la rubrique d'émission. Alors, on a un nombre de votants incalculable. Ah, c'est 37K. Ouais, 37K, c'est ça. Et ben, c'est... Alors, il y avait le choix entre quelle ère d'émission, 5% des voix. Oh. C'est Paolo à Twitter. J'avais mis Marc. Ouais. Si on a le droit qu'à 4 choix, sinon j'avais proposé Keller et François, Marc et François, Marc François et Sabrina, Sabrina et François. Marc enfin bref. Et mais là on peut pas en fait. Radio Shtoub d'émission, 27%. 27%. Enfin des gens lucides. L'orée d'émission, 0%. Par contre. Tout le monde démission. 68%. Ah, ça c'est les gilets jaunes. Donc c'est tout le monde, Keller, Loré, la voix du peuple. Et bien sûr, ces belles paroles, je pense qu'on va clôturer l'émission. Référendum d'initiative citoyenne. Voilà, Rick. Rick Hunter. Donc on vous souhaite à tous une bonne année. Une bonne démission. Et surtout. Et à la prochaine, et surtout. Allez, Brésil.